L'Istituto Geografico De Agostini presenta Il francese per te. Deuxième niveau. Unité 64. Prise de parole. J'ai beaucoup de problèmes. Vous allez écouter et répéter quelques phrases ayant pour thème la télévision. Il n'y a rien de plus reposant après une journée de travail qu'un bon film à la télé. Peut-être, mais moi je n'ai aucune intention de passer toutes mes soirées assises devant le poste de télévision. Qu'est-ce qu'on pourrait lui acheter pour son anniversaire? Un poste à transistor? Un beau poste à modulation de fréquence? Il adore la musique. Oui, ce serait une très bonne idée. Tu pourrais me prêter ton appareil photographique? On m'a volé le mien la semaine dernière. Tu as combien de téléphones chez toi? J'ai 4 appareils téléphoniques, un dans chaque pièce. Qui est à l'appareil? Parlez plus fort, s'il vous plaît, j'entends très mal. Où est Jean? Il vient de sortir. Pourquoi? On le demande à l'appareil. Oh, c'est l'heure de mon émission préférée. Tu n'as pas de chance. L'image est devenue complètement floue. Il y a peut-être de la poussière sur l'écran. Non, ce sont des interférences. Elle n'est pas très nette, l'image. Elle devient même de plus en plus imprécise. L'orage de cette nuit a peut-être déplacé l'antenne. Voici maintenant quelques phrases au passé simple. Un court-circuit détraque à notre poste de télévision et nous dûmes en acheter un autre. Les programmes de télévision finirent à 1h du matin et nous sommes allés nous coucher vers 2h. Pierre reçut un beau cadeau à Noël, une télévision toute neuve. Je pris mon vieux poste de télévision et je l'offris à mon frère parce qu'il collectionne les vieilles télévisions. J'eus beaucoup de problèmes à le convaincre de m'acheter une nouvelle télévision, mais j'ai réussi. Nous fûmes tous très surpris quand nous l'avons vu pour la première fois à la télévision. Prise de parole. Lot de consolation. Vous allez répéter les phrases suivantes concernant les studios de télévision. On vient de me proposer de visiter les studios d'enregistrement de la première chaîne de télévision. Tu veux venir avec moi? Que de techniciens pour faire une émission. Oui, c'est une véritable industrie. Voici notre caméraman. Vous avez des questions à lui poser? J'aimerais, oui, qu'il m'explique comment fonctionne sa caméra. C'est vous qui vous occupez des prises de vue? Non, moi je suis l'ingénieur du son de l'émission. Vous vous occupez des prises de son alors? C'est vous le roi des micros. Le public est composé de figurants qui sont payés pour faire la claque. Pour faire quoi? La claque. Pour applaudir quand le metteur en scène ou son assistant leur font signe. Les applaudissements ne peuvent pas être tous spontanés. Une émission ne peut pas durer longtemps sans spot publicitaire. Et pour quelle raison? Nous avons toujours besoin d'un sponsor. Si vous saviez combien coûte la réalisation de la plus petite émission de variété, je crois que vous seriez très surprise. Vous voulez participer à ce jeu? C'est un concours très facile et vous pourriez gagner le gros lot ou bien un des nombreux lots de consolation. Voici maintenant quelques phrases sur les subordonnés de conséquence. Je participe à tous les jeux télévisés de telle sorte qu'un jour ou l'autre je finirai bien par gagner le gros lot. Nous avons un nouveau poste de télévision de manière que nous pouvons recevoir des émissions de très loin. Il se fatigue au point qu'il va tomber malade. Les applaudissements furent si intenses que le caméraman décida de filmer le public. Les applaudissements sont tellement timides qu'il vaudrait mieux les recommencer, vous ne croyez pas? Il a réparé l'antenne, si bien que le poste de télévision marche parfaitement. J'ai tant de travail que je n'arrive plus à dormir. Il a un tel besoin de dormir qu'il n'arrive même plus à manger. Prise de parole. Ma cocotte minute. Vous écouterez et vous répéterez quelques phrases à propos du journal télévisé. Tu as vu ce journaliste qui annonce les reportages de guerre en souriant? C'est vrai, mais c'est son métier. Il ne peut quand même pas se mettre à pleurer chaque fois qu'il doit commenter un événement triste. Tu imagines la scène? L'actualité politique, ça ne m'a jamais intéressé. Non, et l'actualité sportive non plus. Alors pourquoi regardes-tu le journal télévisé? Pour les nouvelles culturelles, bien sûr. C'est l'heure des informations télévisées. Allume la télé, s'il te plaît. Une minute. Tu as écouté les nouvelles de dernière minute? Non, à la minute même où j'ai allumé mon poste, un court-circuit a fait sauter l'installation électrique de mon immeuble. Quelle heure est-il? 8 heures, pourquoi? Allume la télé, le journal télévisé devrait commencer d'une minute à l'autre. Assieds-toi, le journal télévisé va commencer dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Une entrecôte ou un poulet minute? Ce que tu veux, mais pas tout de suite. Je mangerai après le journal télévisé. Tu sais, il faudrait acheter une cocotte minute neuve. La nôtre est complètement détraquée. Tu me parles de cocotte minute alors que je suis en train de regarder un reportage sur la guerre d'Algérie. Tu regardes le journal télévisé en mangeant? Et ça ne te coupe pas l'appétit, toutes ces déclarations de guerre, ces signatures de traités, ces scandales politiques, les défilés de mode et les cotations boursières? Le monde revu et corrigé par le petit écran? J'en ai assez de ces journalistes prétentieux qui passent leur temps à déclarer, affirmer, penser, estimer, considérer, préciser, approuver, contredire, s'ils pouvaient apprendre aussi à se taire de temps à autre. Prise de parole. Avec la télécommande. Vous allez écouter et répéter maintenant les phrases suivantes. Qu'est-ce que tu as envie de voir ce soir à la télé? Un film? Un documentaire? Une épreuve sportive? Ah bon, les chaînes proposent une belle variété de programmes ce soir. C'est rare. Non, je viens d'acheter un magnétoscope et quelques vidéocassettes. J'ai un enregistrement très intéressant à la maison. Un documentaire sur les coquillages tropicaux que la première chaîne de télévision a diffusé la semaine dernière. Ce soir, je ne suis là pour personne. Je m'installe dans mon fauteuil, avec la télécommande et mon casque, et je passe toute la soirée à revoir tous les films de Laurel et Hardy. L'époque où le téléspectateur était esclave de son poste de télé est terminée. Aujourd'hui, grâce au magnétoscope et aux vidéocassettes, il peut choisir tous ses programmes et l'heure à laquelle il désire les regarder. Il peut visionner plusieurs fois une séquence qui lui a plu ou programmer l'enregistrement d'une émission qu'il n'a pas le temps de voir. Jacques a une vidéothèque très riche. Je crois qu'il possède plus de 100 films. Moi, je préfère louer les films et tout le matériel audiovisuel dans les magasins spécialisés. Ça coûte beaucoup moins cher. Il faut absolument que tu vois le magnétoscope que je viens d'acheter. C'est une merveille. Écoute. Tout au pied de la lettre. Vous allez écouter maintenant les phrases suivantes. La première chaîne propose une émission très intéressante ce soir. Un autre débat sur les centrales atomiques, je suppose. Oui. Avec des journalistes et des scientifiques triés sur le volet cette fois. Il prend tout au pied de la lettre, cet homme politique. Tu vas voir, Il va encore monter sur ses grands chevaux. C'est justement la raison pour laquelle on l'invite souvent à la télé. C'est incroyable. C'est la troisième fois qu'on le provoque et c'est la troisième fois qu'il tombe dans le panneau. Il le fait exprès, voyons. Tu n'as pas encore compris? On ne peut faire aucun reproche à cet écrivain. Il a la mauvaise habitude de monter en épingle la critique la plus banale. Ça fait partie de son personnage. L'habileté de cet homme est extraordinaire. Il tire toujours son épingle du jeu, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve. Oui, c'est effectivement un homme très intelligent. Les invités de cette émission manquent de sang-froid, c'est vrai. Ils ne sont pas capables de résister à la provocation. C'est la raison pour laquelle on leur a demandé de participer à ce débat. Pour le spectacle, oui, j'ai compris. Les journalistes de cette émission peuvent adresser toutes les critiques qu'ils veulent à cet homme politique. Il ne répondra jamais à leurs provocations. Il a raison. La meilleure philosophie, c'est de bien faire et laisser dire. Conversation. Le feu, c'est ma vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous venons d'arriver avec toute notre équipe sur les lieux de l'incendie. Et il semble que le feu n'ait fait aucune victime, heureusement. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, les pompiers sont encore sur place et sont en train de combattre les dernières flammes. Nous allons essayer d'interroger un de ces hommes courageux. Voilà. Monsieur! Monsieur, s'il vous plaît! Oui? Vous avez finalement réussi à éteindre l'incendie. Ou presque. Oui, nous avons fait un bon travail. Et vous avez déterminé les causes de cet incendie? Vous pensez à un court-circuit ou à la folie d'un pyromane? On ne peut pas encore se prononcer. C'est trop tôt. Vous faites un métier très dangereux. Oui, nous prenons toujours toutes les précautions nécessaires, mais le risque existe pour chacun d'entre nous. Et vous n'avez jamais pensé à changer de métier? Jamais, non. Je ne pourrai jamais m'asseoir derrière un bureau et y rester toute la journée. J'ai besoin de mouvement, de me sentir utile. J'ai besoin d'aider les gens, de les aider matériellement, pas avec de belles phrases. Oui, le feu, c'est ma vie. Vous avez déjà été blessé? Quelquefois, mais rien de bien grave. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Et vous avez peur, parfois? Bien sûr. Il faut toujours avoir peur avec le feu. On ne sait jamais. Un escalier peut s'écrouler ou un plafond. Le gaz aussi peut exploser ou nous brûler les poumons. La peur, c'est un peu notre ceinture de sécurité. Elle nous empêche d'être trop casse-cou. Oui, on peut dire que la peur nous a souvent sauvé la vie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous venons d'arriver avec toute notre équipe sur les lieux de l'incendie. Et il semble que le feu n'ait fait aucune victime, heureusement. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, les pompiers sont encore sur place et sont en train de combattre les dernières flammes. Nous allons essayer d'interroger un de ces hommes courageux. Voilà. Monsieur. Monsieur, s'il vous plaît. Oui? Vous avez finalement réussi à éteindre l'incendie, ou presque. Oui, nous avons fait un bon travail. Et vous avez déterminé les causes de cet incendie? Vous pensez à un court-circuit ou à la folie d'un pyromane? On ne peut pas encore se prononcer. C'est trop tôt. Vous faites un métier très dangereux. Oui, nous prenons toujours toutes les précautions nécessaires. Mais le risque existe pour chacun d'entre nous. Et vous n'avez jamais pensé à changer de métier? Jamais. Non, je ne pourrai jamais m'asseoir derrière un bureau et y rester toute la journée. J'ai besoin de mouvement, de me sentir utile. J'ai besoin d'aider les gens, de les aider matériellement, pas avec de belles phrases. Oui, le feu, c'est ma vie. Vous avez déjà été blessé? Quelquefois, mais rien de bien grave. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Et vous avez peur, parfois? Bien sûr. Il faut toujours avoir peur avec le feu. On ne sait jamais. Un escalier peut s'écrouler ou un plafond. Le gaz aussi peut exploser ou nous brûler les poumons. La peur, c'est un peu notre ceinture de sécurité. Elle nous empêche d'être trop casse-cou. Oui, on peut dire que la peur nous a souvent sauvé la vie. C'est ça, l'information. Je n'avais jamais vu d'incendie jusqu'à aujourd'hui. Quel spectacle! C'est impressionnant. Il y a même la télé, tu as vu? Oui. Ce n'est pas surprenant, après tout. Dès qu'il se passe quelque chose qui sort de l'ordinaire, les journalistes sont sur place avant les forces de l'ordre. Drôle d'époque. C'est ça, l'information. L'information ou le spectacle? Ah, quelle époque! Il commence à faire très chaud ici. Il vaudrait peut-être mieux que nous nous éloignions un peu. Ça pourrait être dangereux. C'est vrai qu'il fait une chaleur ici. Tu vas voir, les caméras et les micros des journalistes vont peut-être fondre. Ce serait amusant, ça. Enfin, ils font leur métier, eux aussi. Ça ne doit pas être amusant tous les jours. Je n'avais jamais vu d'incendie jusqu'à aujourd'hui. Quel spectacle! C'est impressionnant. Il y a même la télé, tu as vu? Oui. Ce n'est pas surprenant, après tout. Dès qu'il se passe quelque chose qui sort de l'ordinaire, les journalistes sont sur place avant les forces de l'ordre. Drôle d'époque. C'est ça, l'information. L'information ou le spectacle? Ah, quelle époque! Il commence à faire très chaud ici. Il vaudrait peut-être mieux que nous nous éloignions un peu, ça pourrait être dangereux. C'est vrai qu'il fait une chaleur ici. Tu vas voir, les caméras et les micros des journalistes vont peut-être fondre. Ce serait amusant, ça. Enfin, ils font leur métier, eux aussi. Ça ne doit pas être amusant tous les jours. Le chat dans un sac. Madame, madame, vous ne pouvez pas rester chez vous. Il faut descendre. Non! Comment non? Je ne descendrai pas. Mais enfin, madame, l'immeuble est en train de prendre feu. Vous ne pouvez pas rester à votre fenêtre. Moi, je ne sortirai pas de l'appartement sans mon chat. Personne ne vous demande de sortir sans votre chat. Prenez-le avec vous. Non! Et pourquoi? Il a peur de la foule, mon chat, et il a peur des pompiers. Écoutez, madame, vous n'avez plus le temps de discuter maintenant. Il faut vous dépêcher. Et mon chat? Votre chat, vous le mettez dans un sac, et il ne se rendra compte de rien. Allez, vite! Et personne ne lui fera de mal? Ne vous inquiétez pas, nous avons bien d'autres chats à fouetter. Ah! Madame, madame, vous ne pouvez pas rester chez vous. Il faut descendre. Non. Comment non? Je ne descendrai pas. Mais enfin, madame, l'immeuble est en train de prendre feu. Vous ne pouvez pas rester à votre fenêtre. Moi, je ne sortirai pas de l'appartement sans mon chat. Personne ne vous demande de sortir sans votre chat. Prenez-le avec vous. Non. Pourquoi? Il a peur de la foule, mon chat, et il a peur des pompiers. Écoutez, madame, vous n'avez plus le temps de discuter maintenant. Il faut vous dépêcher. Et mon chat? Votre chat, vous le mettez dans un sac, et il ne se rendra compte de rien. Allez, vite. Et personne ne lui fera de mal? Ne vous inquiétez pas, nous avons bien d'autres chats à fouetter. Unité 65. Prise de parole. Un magnifique tableau. Vous allez écouter et répéter quelques phrases sur la peinture. Tu savais que Pierre était un grand admirateur de Cézanne? Bien sûr. Il a chez lui plusieurs dizaines de reproductions de ses tableaux. Je n'aurai jamais assez d'argent pour pouvoir m'acheter un tableau de maître. Peut-être, mais tu en auras toujours assez pour t'offrir un billet d'entrée au Louvre ou dans un autre musée. Ce tableau est magnifique. Oui, dommage que le cadre soit abîmé. Il faudrait penser à le faire restaurer. Quand je suis arrivé au sommet de la montagne, un magnifique tableau s'offrait à mes yeux. La neige recouvrait toute la vallée et tous les villages avaient disparu. Tu as une drôle de mentalité, toi. Tu veux toujours gagner. Gagner sur tous les tableaux. Vous faites quoi, vous, comme métier? Moi, je suis peintre, artiste peintre. Ne me parle pas de peinture abstraite. Je n'y comprends rien. Je préfère la peinture figurative. La peinture figurative? Mais c'est dépassé. Tu crois qu'il suffit d'acheter un chevalet et de louer un atelier pour devenir peintre? On est peintre. C'est une question de talent. Mes voisins sont des gens très intéressants. Au premier étage, il y a un cabinet d'avocats. Au deuxième, le studio d'un photographe. Et au troisième, l'atelier d'un peintre. Non, je ne me suis jamais prise au sérieux. Je ne suis qu'un peintre amateur. Un peintre du dimanche, comme on dit. Non, il n'est pas question que je reproduise ce tableau. Je ne fais pas de reproduction, moi. Je ne peins que ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est moi. Il ne suffit pas que vous reproduisiez des tableaux de maître pour devenir de bons peintres. Il faut aussi que vous exprimiez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Prise de parole. Je peins des nus. Voici maintenant quelques phrases concernant le travail du peintre. Non, je ne peins plus à l'huile. Pourquoi? C'est tellement beau. Oui, mais le matériel coûte de plus en plus cher. Où sont les tubes de gouache que j'ai achetés ce matin? J'en ai besoin pour terminer mon tableau. Je ne sais pas, moi. Demande à Marie. Tu utilises l'aquarelle? L'aquarelle, non. C'est trop difficile pour moi. Je t'ai conseillé 1000 fois de peindre d'après nature, de chercher un modèle qui accepte de poser pour toi et d'étudier l'anatomie, sinon tu ne feras jamais aucun progrès. Je sais bien, mais les modèles, il faut les payer. Et les séances de pose, ça coûte cher. Je ne peins que des nus, des portraits et des nus. Les paysages, ça ne m'intéresse pas. Les natures mortes et la peinture abstraite, non plus. Les autoportraits, c'est très difficile à réaliser. Oui, j'ai essayé, mais le résultat a été un désastre. Tu as tout ce qu'il faut pour peindre. Un chevalet, une toile, un pinceau, une palette. Mais il te manque la chose la plus importante. Le talent, mon ami, le talent. Il faut que tu peignes avec plus d'enthousiasme. Tes toiles n'ont aucune force. Elles sont plates, trop plates. Il suffit que vous peigniez tous les jours et vous verrez, vous ferez très vite d'énormes progrès. On vient d'inaugurer une exposition consacrée à l'impressionnisme. Si tu veux, nous pouvons y aller ensemble. Moi, je ne fais aucune distinction entre les genres. Le cubisme, le futurisme, l'expressionnisme ou le surréalisme. Ce qui m'intéresse, c'est l'émotion que me procurent toutes ces œuvres. Qu'est-ce que tu penses du néo-réalisme? Je préfère l'hyper-réalisme. L'hyper-réalisme, c'est la peinture de notre époque. Prise de parole. Un bas-relief a commencé. Vous allez écouter et répéter quelques phrases sur la sculpture. J'adore la sculpture. Je connais un sculpteur qui fait des choses très étranges et très intéressantes. Et comment travaille-t-il? Il pétrit l'argile ou bien il sculpte des blocs de pierre? Il travaille le marbre. Tu penses que quelqu'un qui se contente de mouler des objets puisse être un vrai sculpteur? Bien sûr. Et puis le génie se reconnaît tout de suite, même avec un moule. Il faut que je finisse de polir ce buste. Et puis j'ai un bas-relief à commencer. Tu vois, une journée bien remplie m'attend. J'ai rencontré hier soir une beauté. Une beauté sculpturale. Il faut que je lui demande si elle accepte de poser pour moi. J'ai dans mon atelier un bloc de marbre statuaire tout prêt pour elle. Vous êtes sculpteur ? Oui, plus exactement statuaire. Je ne sculpte que des statues. Les bas-reliefs, par exemple, ne m'intéressent pas du tout. Voici quelques phrases sur les subordonnés de cause. Je suis devenu sculpteur parce que j'aime la matière, le marbre surtout. On peut faire 1000 choses avec le marbre. Voilà un bloc de pierre pour la fête de Nicolas. Un bloc de pierre pour sa fête? Oui, c'est un très beau cadeau puisqu'il est sculpteur. Comme tu es sculpteur et vu que tu ne travailles que l'argile, j'ai pensé que tu aimerais ce livre sur l'art africain. Attendu que nous sommes statuaires tous les deux, nous pourrions partager le même atelier, tu ne crois pas? Sous prétexte que je lui ai offert une de mes statues, il veut que je lui fasse d'autres cadeaux. Il est intéressé par cette statue équestre. Du moment que nous aimons les mêmes sculptures, nous pourrions aller visiter ce musée ensemble. Ce n'est pas qu'il soit un grand sculpteur, mais j'aime beaucoup son travail. Non que je sois en colère, mais je n'ai pas du tout envie d'être dérangé toutes les 5 minutes. Prise de parole. De 3/4. Vous allez écouter les phrases suivantes et vous les répéterez. J'aimerais beaucoup que ce peintre fasse le portrait de ma fiancée. Ce serait un cadeau original pour son anniversaire. Oui, mais il faut qu'elle pose pour lui et ça ne pourra jamais être une surprise. Je peux toujours donner une photo au peintre. 3 photos même. Une de face, une de profil et la 3e de 3/4. Vous voulez que le portrait soit exécuté grandeur nature? Grandeur nature, oui, et en pied. Il était aux 3/4 ivre quand il est venu poser pour moi. Et il ne réussissait pas à rester debout plus de 10 minutes. Les 3/4 du temps, il était couché sur le divan. Je trouve que ce portrait est assez fidèle. Assez ressemblant, oui. Mon portrait, ça? Mais vous plaisantez. C'est une caricature. C'est un portrait un peu chargé, effectivement. Mais c'est bien vous, madame. C'est vous tout craché. Il dit que ce portrait est ressemblant. Moi, je ne suis pas de cet avis, pas du tout. Il dit qu'il dessine, qu'il peint, qu'il sculpte et qu'il pétrit l'argile. Moi, je crois qu'il exagère. Il m'a dit, je ferai ton portrait demain matin. Il t'a dit qu'il ferait ton portrait demain matin? Mais il est parti hier soir. Il est parti en vacances pour 1 mois. Il lui demande qu'il fasse son portrait gratuitement? Il se prend pour qui, celui-là?